les hommes connaîtront leurs droits, plus ils aimeront les lois qui les protègent. Je crois donc, messieurs, que nous devons placer une déclaration des droits des hommes à la tête de notre Constitution. Août 1789, l'Assemblée nationale discute de la Déclaration des droits de l'homme. Sur le cours Mirabeau, en plein air, à Aix-en-Provence, dans le cadre des journées de l'éloquence, nous restituons, avec la Comédie-Française, un moment clé de l'été 1789. Les députés aux États généraux siègent sans désemparer à Versailles. Le roi, jusque-là, incarnait le peuple. Maintenant, ce sont eux, les députés, qui le représentent. On les désigne encore par le nom des vieilles structures d'Ancien Régime, où ils ont été élus bailliage, sénéchaussée, mais ils se nomment eux-mêmes dorénavant Assemblée nationale. Des provinces parviennent des nouvelles alarmantes. Un peu partout, des châteaux sont attaqués, des propriétaires mis à mort. C'est ce qu'on appellera la grande peur. À Paris, après la promenade de la tête du gouverneur de la Bastille, en haut d'une pique, le 14 juillet, c'est le 22 juillet, Foulon et son gendre Berthier de Sauvigny, qui accusaient d'être insensibles à la misère du peuple, sont décapités, dépecés, éviscérés et exposés. Ainsi, place de grève. Les administrateurs traditionnels se tairent, naissent des administrations d'insurrection comme la Commune de Paris. Les députés à Versailles accompagnent la colère afin de la calmer et proclament l'abolition des privilèges, la fameuse nuit du 4 août. Mais l'Assemblée est aussi instituée constituante. S'ils écoutaient leur raison, les députés rédigeraient à tête reposée une constitution qu'ils couronneraient ensuite d'une déclaration des droits de l'homme, qu'ils doubleraient d'une déclaration des devoirs. Mais voilà, nous sommes en révolution, la multitude bat aux portes et on ne peut écrire tranquillement. L'encre n'a pas le temps de sécher qu'elle se transforme en sang. La parole est à monsieur le comte de Castellane, député du bailliage de Châteauneuf-en-Thymerais. Messieurs, y aura-t-il une déclaration des droits placée à la tête de notre Constitution ? Les uns disent que ces vérités premières étant gravées dans tous les cœurs, l'énonciation précise que nous en ferions ne serait d'aucune utilité. Cependant, messieurs, si vous daignez jeter les yeux sur la surface du globe terrestre, vous frémirez avec moi en considérant le petit nombre des nations qui ont conservé, je ne dis pas la totalité de leurs droits, mais quelques idées, quelques restes de leur liberté. Et sans être obligé de citer l'Asie entière, ni les malheureux Africains qui trouvent dans les îles un esclavage plus dur encore que celui qu'ils éprouvaient dans leur patrie, sans, dis-je, sortir de l'Europe. Ne voyons-nous pas des peuples entiers qui se croient la propriété de quelques seigneurs ? Ne les voyons-nous pas, presque tous, s'imaginer qu'ils doivent obéissance à des lois faites par des despotes qui ne s'y soumettent pas ? En Angleterre même, dans cette île fameuse qui semble avoir conservé le feu sacré de la liberté, n'existe-t-il pas des abus qui disparaîtrait si les droits des hommes étaient mieux connus. Mais c'est de la France que nous devons nous occuper. Et je le demande, messieurs, est-il une nation qui ait plus constamment méconnu les principes d'après lesquels doit être établie toute bonne constitution ? Si l'on en accepte le règne de Charlemagne, nous avons été successivement soumis aux tyrannies les plus avilissantes. À peine sortis de la barbarie, les Français éprouvent le régime féodal. Tous les malheurs combinés que produisent l'aristocratie, le despotisme et l'anarchie. Ils sentent enfin leur malheur. Ils prêtent au roi leur force pour abattre les tyrans particuliers. Mais des hommes aveuglés par l'ignorance ne font que changer de fer. Au despotisme des seigneurs succède celui des ministres. Bien dit ! Sans recouvrer entièrement la liberté de leur propriété foncière, ils perdent jusqu'à leur liberté personnelle. Le régime des lettres de cachet s'établit. C'est vrai ! N'en doutons pas, messieurs. On ne peut attribuer cette détestable invention qu'à l'ignorance où les peuples étaient de leurs droits. Jamais, sans doute, ils ne l'auraient approuvé. Jamais les Français, devenus fous tous ensemble, n'ont dit à leur roi « Nous te donnons une puissance arbitraire sur nos personnes. » Non, jamais. Nous ne serons libres que jusqu'au moment où il te conviendra de nous rendre esclaves. Tu pourras, à ton gré, nous enlever à nos familles. Personne n'a dit ça. Nous envoyer dans des prisons. Si le désespoir, l'intérêt de ta maîtresse ou d'un favori convertit pour nous en tombeau ce séjour d'horreur, on n'entendra pas notre voix mourante. Tu seras seul notre accusateur, notre juge et notre bourreau. Jamais ces exécrables paroles n'ont été prononcées. Toutes nos lois défendent d'obéir aux lettres de cachet. Aucune ne les approuve. Aucune. Bravo. Bien dit. Aucune de nos lois. Ainsi, je réponds à ceux qui pensent qu'une déclaration des droits des hommes est inutile. Il y en est encore qui vont plus loin et qui la croient dangereuse. En ce moment où tous les ressorts du gouvernement étant rompus, la multitude se livre à des excès qui leur en fait craindre de plus grands. Mais, messieurs, je suis certain que la majorité de ceux qui m'écoutent pensera, comme moi, que le vrai moyen d'arrêter la licence est de poser les fondements de la liberté. C'est vrai. Bien dit. Bien dit. Bravo. Plus les hommes connaîtront leurs droits, plus ils aimeront les lois qui les protègent. Plus ils chériront leur patrie, plus ils craindront le trouble. Et si des vagabonds compromettent encore la sûreté publique, tous les citoyens qui ont quelque chose à perdre se réuniront contre eux. Je crois donc, messieurs, que nous devons placer une déclaration des droits des hommes à la tête de notre Constitution. Cette déclaration doit être admise avant les lois, dont elle est la source et dont elle réparera dans la suite les imperfections ou les omissions. La parole est à l'évêque de Langres, monseigneur de la Luzerne, député du bailliage de Langres. La constitution d'un empire n'a pas besoin d'une déclaration de droit. Le citoyen d'une république a les mêmes droits que le sujet d'une monarchie. Mon opinion n'est pas qu'on doive tenir le peuple dans l'ignorance, mais je veux qu'on l'éclaire par des livres. Et non par la loi ni par la Constitution. Ne mettons rien d'inutile. Évitons les dangers et les abus. Fort bien, messieurs. Monsieur Malouet, député de la Sénéchaussée d'Orion, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Messieurs, la nation nous attend. Les droits de l'homme et du citoyen doivent être sans cesse présents à tous les yeux. Ils sont tout à la fois la lumière et la fin du législateur. Mais convertirons-nous en acte législatif cet exposé métaphysique, ou bien présenterons-nous les principes avec leurs restrictions dans la Constitution que nous allons faire? Je sais que les Américains n'ont pas pris cette précaution. Ils ont pris l'homme dans le sein de la nature et le présentent à l'univers dans sa souveraineté primitive. Mais la société américaine, nouvellement formée, est composée de propriétaires déjà accoutumés à l'égalité, étrangers au luxe ainsi qu'à l'indigence, connaissant à peine le joug des impôts, les préjugés qui nous dominent, n'ayant trouvé sur la terre qu'ils cultivent aucune trace de féodalité. De tels hommes étaient sans doute préparés à recevoir la liberté dans toute son énergie. Mais nous, messieurs, nous avons pour concitoyens une multitude immense d'hommes sans propriété qui attendent avant toute chose leur subsistance d'un travail assuré, d'une police exacte, d'une protection continue. J'en conclus que cette classe de citoyens n'a pas un droit égal à la liberté. Une telle pensée est loin de moi. La liberté doit être comme l'astre du jour qui luit pour tout le monde. Bien dit, c'est bien dit. Mais je crois, messieurs, qu'il est nécessaire dans un grand empire que les hommes placés par le sort dans une condition dépendante voient plutôt les justes limites que l'extension de la liberté naturelle. Messieurs, pourquoi présenter aux hommes dans toute leur plénitude des droits dont ils ne doivent user qu'avec des limitations ? Pourquoi donc commencer par transporter le citoyen sur une haute montagne et lui montrer son empire sans limite lorsqu'il doit en descendre pour trouver des bornes à chaque pas ? Mais oui. Lui direz-vous qu'il a le libre disposition de sa personne avant qu'il soit à jamais dispensé de servir, malgré lui, dans l'armée de terre ou de mer ? Qu'il a la libre disposition de son bien avant que les coutumes et les lois locales qui en disposent, contre son gré, ne soient abrogées ? Lui direz-vous que, dans l'indigence, il a droit au secours de tous, tandis qu'il invoque peut-être en vain la pitié des passants, tandis qu'à la honte de nos lois et de nos mœurs, aucune précaution législative n'attache à la société les infortunés que la misère en sépare. Il est donc indispensable de rendre la Déclaration des droits concordante avec l'État obligé dans lequel se trouvera l'homme pour lequel elle est faite. La parole est à l'abbé Grégoire, député de Nancy. On vous propose de mettre à la tête de votre constitution une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Un pareil ouvrage est digne de vous. Mais il ne serait qu'imparfait si cette déclaration n'était pas aussi celle des devoirs. Les droits et les devoirs sont corrélatifs. On ne peut parler des uns sans parler des autres. Ils ne peuvent exister l'un sans l'autre. Il est essentiel de faire une déclaration des devoirs pour retenir les hommes dans les limites de leurs droits. Si je comprends bien, messieurs, il est question de rendre concomitante une déclaration des devoirs et une déclaration des droits. Il se trouve que monsieur le duc d'Avaray, député du bailliage d'Orléans, a déposé un amendement dans ce sens. Je me propose donc de vous lire les articles qu'il a rédigés pour servir de déclaration des principaux devoirs des Français et je vais mettre au vote ce texte qui dit donc, selon le duc d'Avaray, 1. Tout Français doit respect à Dieu, à la religion et à ses ministres. Il ne doit jamais troubler le culte public. 2. Il doit respect au roi, dont la personne, messieurs, est sacrée et inviolable. Troisièmement, la vertu première d'un Français est la soumission aux lois. Toute résistance à ce qu'elles lui prescrivent est un crime. Quatrièmement, le Français doit contribuer dans la proportion de ses propriétés aux frais nécessaires à la défense de l'État et à la tranquillité qu'un bon gouvernement lui assure. Mais quoi encore ? Enfin, messieurs, proposition du duc d'Avaray, que je mets à votre suffrage, le Français doit respecter le droit d'autrui. L'amendement est-il adopté ou rejeté ? Adopté ? Rejeté ! Rejeté ! Rejeté ! L'amendement est rejeté. Nous revenons maintenant, si vous le voulez bien, à la préparation du texte sur la Déclaration des droits. La parole est à Monsieur le comte de Mirabeau, député d'Aix-en-Provence, rapporteur du comité des cinq que vous avez chargé, messieurs, de la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme en société. Merci, Monsieur le Président. Une déclaration de droit est un ouvrage difficile. Cependant, messieurs, il a fallu vous obéir. Une déclaration des droits, si elle pouvait répondre à une perfection idéale, serait celle qui contiendrait des axiomes tellement simples, évidents et féconds en conséquence qu'il serait impossible de s'en écarter sans être absurde et qu'on en verrait sortir toutes les constitutions. Mais les hommes et les circonstances n'y sont point assez préparés dans cet empire, et nous ne vous offrons qu'un très faible essai que vous améliorerez sans doute. Voici le projet de déclaration des droits de l'homme en société. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Ouais. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1. Tous les hommes naissent égaux et libres. Aucun d'eux n'a plus de droit que les autres de faire usage de ses facultés naturelles ou acquises. Ce droit, commun à tous, n'a d'autre limite que la conscience même de celui qui l'exerce, laquelle lui interdit d'en faire usage au détriment de ses semblables. On comprend rien ! Article 2. Tout corps politique reçoit l'existence d'un contrat social, exprès ou tacite, par lequel chaque individu met en commun sa personne et ses facultés sous la suprême direction de la volonté générale. Trop long ! Et en même temps, le corps reçoit chaque individu comme portion du tout et leur promet également à tous sûreté et protection. Article 3. Les pouvoirs auxquels une nation se soumet émanant d'elle-même, nul individu ne peut avoir d'autorité qui n'en dérive expressément. Toute association politique a le droit inaliénable d'établir, de modifier ou de changer la Constitution, c'est-à-dire la forme de son gouvernement, la distribution et les bornes des différents pouvoirs qui le composent. Monsieur Mirabeau, si entre 1200 que nous sommes, nous avons tant de peine à nous réunir sur la manière d'entendre cette déclaration, croirons-nous que l'intelligence de 24 millions d'hommes s'y fixe d'une manière uniforme ? Article 4. Le bien commun de tous et non l'intérêt particulier d'un homme ou d'une classe d'hommes quelconque est le principe et le but de toutes les associations politiques. Une nation ne doit donc reconnaître d'autres lois que celles qui ont été expressément approuvées et consenties par elle-même ou par ses représentants, souvent renouvelées, légalement élues, toujours existants, fréquemment assemblées, agissant librement selon les formes prescrites par la Constitution. Mais beaucoup de personnes ne seront pas en état d'entendre les maximes que vous présentez, là. Je propose de remplacer ces premiers articles par les suivants. Article 1er. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique et la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Ben voilà qui est plus clair. Merci, Monsieur Mounier, de cette nouvelle rédaction. Alors, l'Assemblée, à cet instant, adopte-t-elle la rédaction des trois premiers articles tels qu'elle a été proposée par Monsieur Mounier ? Oui ! Ouais ! Oui ! L'Assemblée ayant adopté l'amendement de Monsieur Mounier, je vous prie de laisser Monsieur de Mirabeau continuer. Merci. Article 6. La liberté du citoyen consiste à n'être soumis qu'à la loi, à n'être tenu d'obéir qu'à l'autorité établie par la loi, à pouvoir faire, sans crainte de punition, tout usage de ses facultés qui n'est pas défendu par la loi et par conséquent à résister à l'oppression. C'est beaucoup trop long. Article 7. Ainsi libre dans sa personne, le citoyen ne peut être accusé que devant les tribunaux établis par la loi. Il ne peut être arrêté, détenu, emprisonné que dans les cas où ces précautions sont nécessaires pour assurer la réparation ou la punition d'un délit, et selon les formes prescrites par la loi. Il doit être publiquement poursuivi, publiquement confronté, publiquement jugé. On ne peut lui infliger que des peines déterminées par la loi. Article 8. Ainsi libre dans ses pensées et même dans leurs manifestations, le citoyen a le droit de les répandre par la parole, par l'écriture, par l'impression, sous la réserve expresse de ne pas donner atteinte aux droits d'autrui. Vous avez parfaitement raison, monsieur Mirabeau, mais il faut une rédaction plus énergique. Je propose de les condenser ainsi. Premièrement, la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Deuxièmement, la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. J'entends, messieurs, votre assentiment, donc je mets aux voix la proposition de monsieur de Lamette qu'on vient d'entendre. L'Assemblée adopte-t-elle cette nouvelle rédaction des articles 4 et 5 telle que l'a proposée monsieur de Lamette ? L'amendement de monsieur de Lamette est adopté. La parole est à monsieur Rabault-Saint-Étienne, député de la Sénéchaussée de Nîmes et Beaucaire. Messieurs, l'ouvrage de la déclaration n'était pas facile. Vos cahiers de doléances vous imposent le devoir de la faire. Elle est donc nécessaire. Mais nous n'avons pas été assez loin. Je souhaiterais tant de clarté, de vérité, de netteté dans les principes et les conséquences que tout le monde pût les saisir et les apprendre. Qu'ils devinssent l'alphabet des enfants. Qu'ils fussent enseignés dans les écoles. C'est avec une aussi patriotique éducation qu'il naîtrait une race d'hommes forts et vigoureux qui saurait bien défendre la liberté que nous leur aurions acquise. Toujours armés de la raison, ils sauraient repousser le despotisme qui, des pieds du trône, s'étend dans les différentes ramifications du gouvernement. Il faut encore éviter un autre inconvénient. C'est celui de rétrécir la Déclaration des droits. Il ne faut pas qu'elle soit si pure et si simple qu'elle devienne insuffisante. Il faut qu'elle consacre des principes qui veillent à la conservation des droits. Qu'elle me protège dans la retraite la plus éloignée, loin du trône, contre les tyrans obscurs qui voudraient appesantir leur pouvoir usurpé sur ma tête. Bravo ! Monsieur de Mirabeau, quelle issue ? Monsieur le Président, si un peuple vieillit au milieu d'institutions antisociales, pouvait s'accommoder des principes philosophiques dans toute leur pureté, si les circonstances étaient calmes, les esprits paisibles, les sentiments d'accord, on pourrait faire sans crainte l'énoncé des maximes générales qui doivent guider le législateur. Mais quand leurs résultats les plus immédiats blessent une foule de prétentions et de préjugés, une opposition violente s'élève, qui n'est au fond qu'une opposition à toute déclaration des droits de l'homme. Et les projets se multiplient au gré de l'amour-propre, associés avec les intérêts particuliers et la mauvaise foi. Alors, les difficultés augmentent à l'infini, et l'on s'entend opposer sérieusement, à propos d'une série de principes immuables comme l'éternité, des difficultés d'un jour. On voudrait qu'une déclaration des droits fût un almanach de telle année. La tâche est d'autant plus difficile que la déclaration doit servir de préambule à une constitution qui n'est pas connue. Je propose donc, et le long embarras de l'Assemblée me prouve que j'ai raison de le proposer, de renvoyer la rédaction définitive de la Déclaration au temps où les autres parties de la Constitution seront elles-mêmes entièrement convenues et fixées. Mais bien sûr ! Pourquoi pas, tiens ? Je ne dis pas qu'il faut renoncer à une déclaration. J'en maintiens la nécessité. Mes doutes ne portent que sur le moment favorable à la rédaction de ce travail. Ces doutes sont assez motivés par les difficultés toujours renaissantes qu'ils rencontrent. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pu me tromper sans qu'il puisse être permis de jeter sur mes intentions un doute qu'aucun membre de cette Assemblée, qu'aucun citoyen au courant des affaires publiques n'a pu concevoir sur moi. Revenons-en aux faits. Vous allez établir un régime social qui se trouvait, il y a peu d'années, au-dessus de nos espérances. Vos lois deviendront celles de l'Europe si elles sont dignes de vous. Car telle est l'influence des grands États, et surtout de l'Empire français, que chaque progrès dans leur constitution, dans leurs lois, dans leur gouvernement agrandit la raison et la perfectibilité humaine. Elle vous sera due, cette époque fortunée, où tout prenant la place, la forme, les rapports que lui assigne l'immuable nature des choses, la liberté générale bannira du monde entier les absurdes oppressions qui accablent les hommes, les préjugés d'ignorance et de cupidité qui les divisent, les jalousies insensées qui tourmentent les nations et fera renaître une fraternité universelle sans laquelle tous les avantages publics et individuels sont si douteux et si précaires. C'est la manipulation ! C'est pour nous, c'est pour nos neveux, c'est pour le monde entier que vous allez travailler. Vous marcherez d'un pas ferme mais mesuré vers ce grand œuvre. La circonspection, la prudence, le recueillement qui conviennent à des législateurs accompagneront vos décrets. Les peuples admireront le calme et la maturité de vos délibérations. Et l'espèce humaine vous comptera au nombre de ses bienfaiteurs. Cet enregistrement a eu lieu sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence. On a donc fait la part belle aux députés d'Aix-en-Provence. Mais on voit qu'il est souvent accusé de guider vers des objectifs contradictoires et que sa politique est parfois difficilement lisible. Mais après avoir avoué ses défauts, il retourne toujours la situation. La Constitution sera, vous le savez aussi bien que moi, précédée d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et rétrospectivement, quand on a entendu ce jeu d'auto-tamponneuse, cette incertitude, il est étonnant de voir que des acteurs, contraints par les circonstances, aient pu élaborer un texte qui les dépasse, qui les hausse au-dessus d'eux-mêmes, puisque ce texte, il a été détaché de la Constitution de 1791 quand celle-ci est morte. Il est pérenne. Et nous osons tous croire ici que nous en partageons les idéaux et les différents articles. Je voulais remercier les interprètes de la Comédie française, Rabault-Saint-Étienne, c'était Benjamin Laverne. Malouet, le monarchiste néoclassique, c'était Jérôme Pouly. Castellane, le noble libéral, c'était Christian Sonon. Puis vous ferez un sort particulier à Mirabeau, puisque cette émission va être diffusée la veille de panthéonisations nombreuses dans un grand concours de peuples. Il a été le premier panthéonisé. Donc on peut applaudir Stéphane Varupen. Il a néanmoins, Stéphane, été, 2 ans plus tard, en 1793, le premier dépanthéonisé. Dans notre équipe technique de Radio France, sous la conduite de Benoît Jégou, Sébastien Huel, Frédéric Kérou, le réalisateur Stéphane Roncin, ce texte a été établi et préparé par Isor Pisani-Ferry. Merci à vous, Jean Lebrun. Demain, la marche de l'histoire sera consacrée à Eugène Labiche.